C'est quoi de l'autorité? C'est quoi l'autorité de la conscience dans le mental? Au fond, si on regarde ça, est-ce qu'il vous arrive d'être nostalgique, mélancolique? Avez-vous de l'autorité? Quand vous vous attendrissez en pensant à votre passé, quand vous êtes dans le nostalgique, vous perdez de l'énergie. On s'en rend pas compte parce qu'on donne une valeur psychologique, affective. Penser au bon vieux temps avec nostalgie, c'est perdre souvent de la capacité créative, à voir et faire que le bon temps, c'est le présent. Trop s'attarder à des choses qu'on ne peut pas ramener à la vie, c'est mourir un peu. Quand on s'attendrit devant des représentations du passé, idéologisées par l'intellect, chargées par l'émotion, validées par la personnalité, c'est comme une stase. On se fait avoir des fois. L'individu qui se conscientise devient plus sensible, mais il ne devient pas plus émotif pour autant. Il s'attendrit moins facilement, simplement parce qu'il voit plus la game à travers son observation. S'il a beaucoup de présence, le passé, c'est surtout un aspect constitutif des lois de linéarité du présent. Quand le passé sert, c'est surtout dans une fonction d'éclairer le présent. C'est pas un état nostalgique avec des relents mélancoliques de regrets, de sentiments de paradis perdu. Le passé qui existe en tant que mémoire, c'est pas le passé réel. Le passé qui existe, c'est le passé des données, des influences, des effets dans le présent, dont les causes s'inscrivent dans une continuité. Il y a quand même l'effet des formes dans la mémoire collective. L'individu qui se conscientise peut l'observer dans le collectif, sans pour autant être influencé par les formes de la mémoire collective. C'est d'ailleurs une des qualités de l'observateur. Il est dissocié de ce qu'il observe. C'est la capacité d'individuation de l'individu, sa capacité d'intégration qui rend son observation possible face au collectif. Ça prend un centre et de l'identité pour supporter ça. Ne pas psychologiser la solitude de la conscience. Quelqu'un qui se conscientise, il finit par récupérer de l'énergie. Il intègre. Si vous développez de la conscience, c'est que vous avez l'énergie, la force de la supporter. Plus c'est par la conscience que se fait le gros du transfert de gestion, plus de l'énergie est à nouveau disponible. Il y a un ménage qui se fait. Pour ça, ça prend de l'autorité. L'autorité, c'est la capacité de la conscience à imposer des ajustements, des changements de fonctionnement à l'ego, au moins psychologique. L'autorité, la vraie, vient toujours d'en haut. Elle chambarde les structures inférieures. L'individu psychologique vit dans le confort. Le confort, mais au fond, il est fait de quoi ce confort-là? Pour une conscience, ce n'est pas du confort. Parce que l'individu psychologique vit dans le capharnaüm, le tintamarre de ses pensées. Un individu qui a de l'autorité dans son mental, il est dans le centre du champ de son autorité. Dans l'indivisible vide expérimental, le vide psychologique qui est sa conscience en elle-même. La conscience n'est pas dans l'expérimental, elle le surplombe. L'expérimental réflectif dans le mental, c'est de l'expérimental, pareil. C'est l'ego psychologique qui est dans l'expérimental. C'est lui aussi qui réfléchit l'expérimental. Penser de l'expérimental, c'est de l'expérimental. Réfléchir de l'expérimental, c'est de l'expérimental. La vraie créativité, la vraie gestion intelligente, ça va toujours être une manifestation de la conscience. L'esprit, une manifestation de l'esprit, des manifestations de l'intelligence active. Plus que de la mémoire émotionnelle, plus que la mémoire émotionnelle, la structure mémorielle, comportementale, psychologique, plus que des structures inconscientes, inconscientisées, qui existent greffées à l'âme, alimentées à travers elle, protégées par le réflectif inconscient. Pour avoir de l'autorité, il faut que la conscience intègre de la programmation. La programmation gère ce qui n'est pas intégré par la conscience. Il faut qu'il y ait des transferts de gestion de conscience, des transferts, la conscience en expansion, c'est une conscience qui détruit de la programmation. Le chemin expérimental, c'est vivre notre inconscience, confronté à un contexte expérimental. La conscience intègre de force, puis la personnalité psychologique mature lentement. L'individu qui se conscientise, lui, commence à éviter d'avoir à vivre de l'inconscience pour intégrer. Plus le champ de la conscience est large, plus l'observation est large aussi. C'est un autre chemin qui, au lieu de vivre de l'inconscience, que de vivre, au fond, l'autre chemin, c'est de vivre notre conscience, tout simplement, d'arrêter d'avoir peur du vide sur le plan réflectif. L'être humain émet un champ mental. Il est lié par le plan mental, puis il est lié à la création d'une grande activité sur le plan mental. Sa multidimensionnalité rend possible la manifestation d'un haut niveau de conscience dans le plan matériel. Si vous avez de la vraie force, vous développez de la conscience. Si vous avez de la volonté, vous intégrez du réel dans votre conscience en expansion. Si vous développez de la conscience, ben, vous expurgez le mental. Et puis vous développez de la capacité d'observation. Si vous observez, vous développez de la centricité. Si vous avez de la centricité, vous avez de l'identité, de la présence, par de la conscience. Si vous avez de l'identité puis de la présence, vous avez de l'autorité. Si vous avez de l'autorité, vous êtes créatif. C'est à partir de votre conscience que vous gérez, que vous faites avec ce qui vous arrive. Vous n'accomplirez pas nécessairement de grandes choses extraordinaires, mais vous n'aurez pas les mêmes problèmes que d'autres. Vous aurez des problèmes de l'expérimental à la mesure de votre conscience, comme tout le monde. Au fond, étant donné que nous avons aussi des problèmes collectifs à la mesure de notre inconscience. Vous, si vous pouvez, en plus de passer par l'expérimental, vous pouvez faire une étude à partir d'une métapsychologie de votre gestion de l'expérimental, par les forces de votre conscience sur la mémoire comportementale dans votre vie. Avoir de l'autorité, par exemple, c'est pas tomber dans une nostalgie mélancolique du bon vieux temps qui nous décentre, nous fait perdre la présence par manque de force face à un expérimental présent, souffrant, inconfortable. C'est pour le moins psychologique que le présent est inconfortable. C'est lui qui trouve que le feu de la conscience est trop chaud, que c'est inconfortable. Avoir de l'autorité, c'est aussi ne pas souffrir de ses pensées, ne pas se casser la tête pour rien. Mais pour les gens qui sont conditionnés à réfléchir l'expérimental, sans aussi l'observer d'en dehors du plan réflectif, réfléchir est leur seul mode d'appréhension de la vie. Puis ils en souffrent. Ils souffrent de leurs pensées. L'émotionnel et l'intellect, c'est censé être des outils comme du carburant pour la conscience. Pas une nuisance ou du poison. Avoir de l'autorité, c'est de la capacité de gestion du mental par la conscience. Faire du ménage, sortir les poubelles. L'autorité, c'est du discernement actif. L'autorité, c'est de la force. Puis c'est de la volonté, la force de volonté qui manifeste l'autorité vient entre autres de la capacité consciente de modifier les structures, de corriger la direction. La programmation, puis les forces liées à la gestion en dehors de la conscience humaine, collective, au fond, c'est l'invisible, la nature, le réel, tout ça existe pareil. Une conscience expérimentale forte sera portée à braquer les yeux dans le vide de l'inconnu, à l'affût de nouveau, à intégrer. D'autres assisent leur conscience expérimentale sur le connu, essayant de construire un paradigme cohérent, intellectuellement, confortable, psychologiquement. Ils se pensent équilibrés, sains d'esprit, lucides, conscients. Les uns se pensent ci, se pensent ça, les autres se pensent ci, se pensent ça. Un individu qui développe un début de conscience intégrale ne se pense plus. Sa conscience est aussi l'émission d'un champ qui lui permet d'avoir la paix. La paix au niveau de la pensée, dans le mental. La peur du vide de l'homme psychologique l'empêche d'entrer dans le mental pur et de profiter de la paix dans son mental. Une paix rendue possible par l'autorité de sa propre conscience dans son mental. Gérer l'expérimental à travers la réflexion dans un mental saturé sera toujours plus ardu que la gestion à travers la manifestation de l'intelligence de l'individu que peut laisser passer un mental moins réflexif. Un mental qui sert plus à l'application des intégrations conscientes, fruit d'une observation à travers un mental plus réceptif que réflexif. Un mental désalourdi. Si l'individu sait qu'il est multidimensionnel, il a un grand champ pour l'expression de sa conscience. C'est l'individu psychologique qui se donne une valeur en pensée. Hein? Il se valorise. Il se dévalorise. Il s'évalue dans son expérimental. Il s'enthousiasme ou il se démoralise. Or, la conscience n'a rien à voir avec l'estime de soi ou les complexes d'infériorité, ou le développement psychologique ou le développement personnel. La conscience, c'est pas ce qu'on pense. La conscience, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on sait. Puis il faut pas que ce qu'on pense vienne flouter ce qu'on sait puis ce qu'on voit.